Chapitre 2. Une lettre arriva un matin de Saint-Pierre-sur-Dive. « Mon cher fils, voilà un an que nous ne t'avons pas vu. Je m'ennuie bien. Tu n'as donc pas de vacances à l'école des Beaux-Arts, que tu ne nous parles pas de venir nous voir? Je sais bien que tu es à Paris, où tu te plais et que tu ne tiens peut-être pas beaucoup à venir à Saint-Pierre-sur-Dive, mais il me semble que tu ne dois pas nous oublier. Pour le sacrifice que nous faisons, tu nous dois bien d'être gentil avec nous. » Tu viendras, d'autant plus que ton père est un peu souffrant, car il t'aime beaucoup au fond, et serait bien content si tu réussissais. Ton oncle aussi voudrait te voir. » À ce propos, il a parlé à M. Darrel, qui est le maire de Saint-Pierre-sur-Dive, et il lui a dit que tu étais peintre. M. Darrel a dit que nous avions eu tort de ne pas le prévenir. S'il avait su cela, il nous a dit qu'il aurait fait quelque chose pour nous, que voilà. Il aurait fait voter par le conseil municipal une somme qui te permettrait de travailler tes études. Ça se fait toujours pour les peintres, paraît-il. Ton père compte que tu ne manqueras pas de venir. En faisant le portrait de M. Darrel, pour qu'il voie ce que tu sais, il fera voter l'argent par le conseil. Ce sera une bonne économie pour nous. C'est entendu, tu viendras passer 15 jours à Saint-Pierre-sur-Dive. Nous t'attendons. Ta mère qui t'aime. Jean resta songeur. Eh bien, l'artiste, vous vous êtes décidé à quitter la capitale ? Dit le maire de Saint-Pierre-sur-Dive à Jean, qui venait lui faire une visite. « Mais, monsieur le maire, je ne pouvais manquer d'accourir à votre aimable proposition. »« C'est tout ce qu'il y a de plus simple, comment donc ? J'ai toujours aimé les artistes dont les productions embellissent la vie. »« Tenez, encore dernièrement, j'ai acheté ces 2 toiles-là pour garnir ma salle à manger. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Jean regarda. « Mais ce sont 2 chromos lithographiés. »« Je ne sais pas, j'ai acheté ça 25 francs. Est-ce que j'ai été volé ?»« Oh, pas du tout, c'est très intéressant. » L'un des tableaux représentait le départ pour la chasse, l'autre le retour. « N'est-ce pas ?» reprit le maire. « Il a une bonne tête, ce chasseur, qui revient bredouille. Celui qui a fait cela n'est pas un imbécile. » « Peintre de genre, » fit dédaigneusement l'artiste. « Ah, ce n'est pas votre parti, je sais. Vous êtes peintre d'histoire, à ce que m'a dit votre oncle. C'est plus relevé. Et vous avez quelque chose en train ?»« Oui, une grande machine, très grande. Un épisode de la vie de Tamerlan. » « Ah !» fit le maire. Qui ne comprenait pas. « Ah oui, très bien. Et qu'est-ce que ça représente ?» Jean se mit à parler, décrivant son tableau. Tamerlan, à cheval, entouré d'une nuée de soldats, fait égorger 2000 vierges. « Diable !» fit le maire. « Vous y allez bien. Un gaillard, ce Tamerlan. Et c'est avancé ?»« Oui, presque fini, » répondit-il avec aplomb. « Je l'exposerai au prochain salon. »« C'est une bonne idée. Très bien, très... » Un silence se fit. Jean savait ce qu'allait lui demander le maire. Faire son portrait. C'est ça qui allait l'amuser. Il était venu là pour être agréable à ses parents, simplement. Mais en vérité, être peintre d'histoire, rêver des œuvres gigantesques, ou faire revivre une barbarie disparue, être à la fois peintre et philosophe, car son tableau serait une révolution dans l'art, et se voir forcé de reproduire les traits de cet imbécile à face rougeau des béates, monsieur le maire de Saint-Pierre-sur-Dive. Ce fut lui qui rompit le silence. Monsieur le maire, ce sera un grand plaisir pour moi de vous montrer ce que je peux faire. Quand serez-vous libre pour poser ? Ah, votre père vous a parlé de cela ? Vraiment, j'ai trop peur de vous retenir. Vous êtes bien bon. Quand vous voudrez. Le maire était enchanté. La tête fine et distinguée de Jean, son élocution facile, l'avait conquis. Ah, quand je me rappelle vous avoir couronné aux distributions chez les frères. Qui se serait douté de cela ? Et votre concours pour la bourse du lycée ? Vous avez toujours eu du succès, vous. Et le travail récompensé. Voyez, si vous n'aviez pas travaillé, point de bourse au lycée, point de hautes études, pas de peinture. Et puisque nous parlons de ça, vous savez qu'à la reprise des séances du conseil, je propose une subvention pour vous. Ah, ne vous récriez pas, il faut encourager les artistes. Il prit rendez-vous pour le surlendemain et Jean commencera le portrait de monsieur le maire. Jean était sûr de lui. Les traits du modèle étaient bien arrêtés. De gros yeux en boule de loto, le front garni de rares cheveux qui ramenaient, une bouche large aux lèvres épaisses, de grandes oreilles et enfin un nez assez important, quelque peu fleuri. Il était sûr de son dessin. Quant à la couleur, il n'avait qu'à reproduire la nature. En sortant de sa visite, Jean regarda sa montre. Il avait encore 1 heure à passer pour attendre le dîner. Il prit la route qui conduit à la gare, située à 1/2 lieue. Le soir tombait. De larges raies rosées coupaient l'opale de l'horizon, dont les reflets couvraient de brumes violettes les arbres dans la campagne. Jean s'extasiait. Quel ton! Ah, il les comprenait bien. Quel coloriste il était! Il n'avait pas besoin de prendre des études de lui, mais son cerveau enregistrait tout, et le jour voulu, il sortirait ce soir d'été de son cerveau, sans oublier la valeur d'une teinte. Tiens, juste, il en ferait le ciel de son Tamerlan, ce tableau qu'il commençait dès son retour à Paris, lorsqu'il pourrait louer un atelier, avec la subvention du conseil municipal. Et confiant en l'avenir, il rentra chez lui. La soupe fumait sur la table, dans le fond du magasin, où son père et sa mère l'attendaient. « Eh bien, tu as vu Monsieur Darrel ?»« Oui, c'est entendu, je commence son portrait après-demain. » Et Madame Picot eut un éclair d'orgueil dans le regard. Mais elle ne voulait pas montrer son contentement, tenant toujours à déclarer que Jean aurait mieux fait en continuant sa médecine.